12 ans. Charlie Ingalls. Tout à l'heure, je faisais une chanson. Tout à l'heure, je chantais une chanson. C'était. Tu m'entends? Là. Ça faisait ça. En sol. M'entends, hein? Attends. C'est la chanson de Queen, mais c'est super dur à chanter, putain, c'est parce que lui il est tout en haut là. Je vais essayer de te le faire, tu pourras faire un solo de tuerie. J'ai un tout petit ordinateur, hein. Attends, je vois pas, j'essaye, hein. Merde, c'est pas parti au bon truc. Faudrait que je puisse voir ce que tu marques. Non, c'est pas Indochine. C'est joué face à Indochine. Je repars sur le 1. Si je vois le 1. Oh merde. Ah voilà. Le problème, c'est que j'arrive pas à voir ce que t'écris et. Bon, c'est pas grave, je vois pas ce que t'écris, mais je vais partir sur le prochain. Sol. J'ai le temps jusqu'à la mesure 1. Just a piece I used to be. The best of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home. I've been fighting this alone for much too long. I feel like no one ever told. Truth to me about the growing up and what a struggle it will be, and my dagger stabbed with mine. I've been. looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can make up your mind. Tumble with the lover and the love you leave behind. You end from disaster, cause you never reap the sun. Too much love will kill you every time. Just a shadow of a man I used to be. And it's a light, there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine, now all I will do is bring you mine. Won't it be you will stay my shoe? See that it's impossible to choose. No, there's no making sense of it. Every way I go, I'm going to lose. Too much love will kill you. Just so I know, I drank the poison. Too much love will kill you every time. Too much love will kill you. Just the sun on our own. It will drag the bullets in you, make you bleed and cream and glow. And the bell will make you crazy, you're the victim of your cry. Too much love will kill you every time. Oula, j'étais pas bien carré. Rapide ça. Combien il faut de mesure. Ouais, ça fait beaucoup de mesures, ça.